Amis auditeurs de Radioactive, bonsoir et bienvenue dans cette 126e émission de Osez Jazz à tous les étages, saison 5, épisode 19, avec toujours Vincent à la technique qui assure, comme d'habitude, avec brio, et puis ce générique donc de Nicolas Gardel et les Headbangers, Bacchus, qui nous accompagne depuis 5 ans avec bonheur, un générique donc qui amène tout de suite à la rubrique générique avec, encore une fois, un morceau extrait d'une série ou d'un film, voilà, qui ont un peu marqué l'histoire du jazz, ou pas seulement que du jazz, parce qu'aujourd'hui ça sera un petit peu, on va faire un petit détour un petit peu vers le blues rock notamment, puisque je vous ai sélectionné comme rubrique générique un extrait d'un film qui s'appelle Roadhouse, sorti en 1989. Alors du film lui-même, dont j'ai quand même noté qu'il avait été traduit pour le au Québec par le titre Bar routier. J'adore les titres québécois des films américains, c'est toujours un grand moment de rigolade, mais au moins eux ils défendent la langue française. Donc ce Roadhouse ou Bar routier au Québec, sorti en 1989, oui, on pourra pas en dire grand-chose, puisque bon, c'est un film qui a été construit autour de Patrick Swayze, qui joue le rôle principal, le beau Patrick Swayze et son mulette infernale. Voilà, l'histoire d'un videur dans une boîte qui fait passer des groupes, voilà, et puis il est amoureux de la fille du coin, qui elle-même aussi est amoureuse de lui, mais il y a un méchant vilain joué par Ben Gazzara qui veut les séparer, etc. Voilà, mais ils vont avoir l'aide d'un certain Sam Elliott aussi. Voilà, bon, bref, je vous ai à peu près résumé le film, vous voyez un peu de quoi il s'agit, tout à fait dans l'esthétique des clips musicaux de l'époque. Voilà, il y a pas mal de musique dans ce film, fort heureusement, et notamment dans une très belle séquence, un certain Jeff Healey, guitariste canadien qui vient jouer une superbe reprise du Roadhouse Blues des Doors. Alors Jeff Healey, il est temps là par contre de s'intéresser à lui, parce que c'est un garçon qui a une vie courte, malheureusement pour lui, et un petit peu compliqué, puisqu'il est né en 1966, mais qu'à l'âge d'un an déjà il perdait la vue en raison d'un cancer de la rétine. Et pour tromper un peu son ennui de jeune homme qui savait pas trop quoi faire, il a, dès l'âge de 3 ans, commencé à jouer de la guitare. Alors avec une technique tout à fait particulière, puisque étant aveugle, c'était pas toujours facile de tenir la guitare de manière tout à fait académique. Donc en fait, il en jouait assis avec la guitare posée sur ses genoux, un peu comme peuvent faire aujourd'hui des gens comme Ben Harper, ou de manière plus ancienne un certain Fred McKenna aussi, qui est un bluesman qui faisait dans ce style-là. Donc la guitare posée sur les genoux, et en fait on fait les accords et on joue avec les mains à plat sur le manche et sur la rosace. C'est un jeu qui est tout à fait particulier, qui privilégie aussi pas mal l'utilisation du bottleneck, ce cul de bouteille en fait, qui permet de se goulot de bouteille plutôt, qui permet de jouer en faisant des glissandos sur les cordes. Et voilà, donc dès l'âge de 20 ans, en fait, il rencontre un bassiste et un batteur, Joe Rockman et Tom Steven, avec qui il va fonder le Jeff Healey Band. Et il sortira 2 ans plus tard son premier album, donc dès 22 ans, l'album Seize the Light en 1988, qui a fait l'effet d'une petite bombe à l'époque dans le monde du rock et du blues. Parce que on y retrouvait vraiment un style de blues rock qui rappelait à la fois un petit peu B.B. King, mais aussi pas mal quelqu'un comme Johnny Winter, une certaine rage dans le jeu, etc., qui était vraiment en même temps un jeu assez fin. Donc ça a fait tellement de bruit que lors de son deuxième album est arrivé, l'album Hell to Pay en 1990, il y a quand même des gens comme Mark Knopfler et George Harrison qui sont venus jouer avec lui sur son album. Et bon, après il a continué une carrière assez, avec pas mal de succès, beaucoup tourné dans le monde entier. Il n'était pas arrêté par le fait qu'il soit aveugle pour sillonner les routes, et malheureusement il est décédé en 2008 encore d'un cancer, malheureusement. juste après la sortie d'un album qui s'appelait Mess of Blues. Une carrière un peu météorique, donc, mais bien documentée, donc, notamment avec cette reprise du Roadhouse Blues, qui est un des morceaux les plus blues rock de la carrière des Doors, hein, écrit par Jim Morrison, John Densmore, Robert Krieger et Ray Manzarek, qui signaient généralement toujours leur titre de leurs quatre noms pour que les royalties soient réparties de manière équitable entre tous. À l'origine, le morceau était sorti sur l'album Morrison Hotel. Il a été encore plus connu ensuite, en fin des années 70, en 79, si ma mémoire est bonne, à l'occasion de la version live qui était sortie sur un album de poèmes de Jim Morrison qui s'appelait An American Prayer. Il y avait une version live extraordinaire de ce Roadhouse Blues. Mais là, on va écouter donc cette version de Jeff Healey qui apparaît dans la musique de ce film Roadhouse en 1989. Roadhouse Blues. I got myself. got myself a beer. The future's uncertain, the end is always near. Yeah. Et bien évidemment, pendant que passe ce morceau dans le film, il y a une grosse bagarre générale dans le club, c'est classique. Mais je vous rassure, Patrick Swayze s'en sort, mesdames, tout va bien. Donc c'était Roadhouse Blues, la version donc, de Jeff Healey qui apparaissait dans ce film Roadhouse Blues de 1989. Et voilà pour cette rubrique générique. Et on va passer tout de suite au premier coup de cœur. Alors ça sera une émission plutôt axée sur la guitare, hein, puisque il va y avoir en gros que des guitaristes dans cette émission. Il y a pas mal de nouveautés. Et puis bon, je les ai reliées à d'autres petites choses qui sortent également ou des petites choses un petit peu historiques en ce qui concerne le jazz à la guitare. Le premier coup de cœur, et ben c'est la sortie d'un nouvel album de Matisse Pascoe. Matisse Pascoe, l'album s'appelle Loup, comme l'animal. Ça, je trouve que ça illustre bien un peu l'esprit de la musique que fait Matisse Pascoe, puisque sa musique est aux confins du jazz, du folk, des influences un petit peu américaines, un petit peu bluesy, un petit peu New Orleans aussi, qui sait faire. Et puis c'est surtout quelqu'un qui aime créer des ambiances sonores autour de ce qu'il fait. C'est un petit peu un sorcier du son. Il arrive à sortir des sons incroyables de ses guitares. Et puis il aime voilà jouer avec les ambiances sonores diverses, inclure un petit peu l'ambiance sonore générale autour de lui à sa musique. Et donc cet album, ben voilà, c'est un peu l'album qui pourrait être celui d'un loup solitaire dans une sorte de plaine du nord canadien, voilà, des ambiances un petit peu australes comme ça dans cette musique. Matisse Pascoe a déjà beaucoup collaboré avec d'autres personnes, notamment avec Hugh Coltman pour l'album qu'ils avaient fait en commun sur Dr. John, dont il reprenait la musique. Ils étaient d'ailleurs passés dans ce cadre-là à Jazz en Touraine. Il a aussi beaucoup travaillé avec Marion Rampal, qu'on a évoqué récemment avec son dernier album Songs for Abbey, l'hommage à Abbey Lincoln qu'elle a fait, donc qui est produit et sur lequel joue Matisse Pascoe. Il avait aussi joué sur ses deux albums précédents, Tissé et Oiselle. Il a aussi joué avec la chanteuse de musique un peu vaudou entre rock et soul, Moonlight Benjamin, qui elle aussi était passée à Jazz en Touraine il y a 2 ans à peu près. Voilà. Sinon, il a travaillé aussi avec des gens aussi divers que Ayo, Eric Truffaz ou Anne Passeo. Donc voilà, un guitariste qui en plus est originaire de pas très loin d'ici, puisqu'il est angevin d'origine. Voilà, un garçon assez passionnant qui raconte beaucoup de choses avec sa musique. Dans son nouvel album, il est entouré de la même équipe avec laquelle il travaille, notamment avec Marion Rampal, c'est-à-dire le batteur Raphaël Chassin, le bassiste Laurent Verneret et le saxophoniste Christophe Panzani. Donc ce sont des morceaux principalement instrumentaux, avec juste un petit peu de voix, notamment Célia Kamini qui vient travailler sur 2-3 morceaux. Célia Kamini, qu'on avait fait en coup de cœur d'ailleurs en début d'année, qui avait remporté la victoire du Jazz 2025. Et puis il y a aussi le pianiste Gaël Rakotondrabé qui vient les rejoindre aussi sur un ou deux morceaux de cet album. Mais ce petit quatuor de Mathis Pascoe réussit à créer des ambiances tout à fait splendides au fil de cet album, qui fait penser aussi parfois un petit peu à l'univers de Bill Frisell dans ce mélange entre jazz, blues, folk sur les grandes routes américaines, je dirais. Donc le morceau que je vous ai sélectionné, c'est un morceau qui s'appelle On the Path, et donc c'est un extrait de cet album Loup de Mathis Pascoe. C'était Mathis Pascoe, extrait de cet album Loup. Le morceau s'appelle On the Path. Et voilà, on est dans ces ambiances un petit peu crépusculaires, comme ça. Un très très bel album, avec une belle pochette, avec une tête de loup sur la pochette. C'est toujours bien quand on a une belle pochette qui emballe un bel album. On va rester un petit peu dans les mêmes évolution musicale avec le nouvel album d'un guitariste qui est un de mes chouchous personnellement, c'est Julian Lage qui revient avec un cinquième album chez Blue Note, mais c'est déjà au moins son dixième album. Mais Blue Note continue de lui faire confiance parce qu'il aura vraiment sorti quelques beaux albums, notamment le View with a Room en 2022 et Speak to Me en 2024, qu'on avait fait tous les deux en coup de cœur d'ailleurs ici. Et là, il revient avec une formation qui s'est un petit peu étoffée, puisqu'on y retrouve Jorge Roder à la basse et Kenny Wolsen à la batterie, avec lesquels il a déjà travaillé. Mais on retrouve en plus John Medeski à l'orgue et au piano. Donc John Medeski, qui a lui-même une longue carrière derrière lui et qui avait été un des pionniers du nouveau jazz un peu groovy dans les années 90, qui empruntait aux rythmiques du hip-hop pour faire avancer un petit peu le jazz. Bon, là, ils reviennent à quelque chose qui est dans la même lignée que ce qu'on vient d'écouter un petit peu chez Mathis Pascoe, avec un côté plus jazzy quand même. Mais voilà, une sonorité, un son de guitare et un style musical qui rappelle quand même pas mal aussi le folk et la l'americana, comme on s'appelle cette musique des grands espaces américains. Ce ne sont que des compositions de l'ensemble du groupe, hein, puisque Julian Lage a tenu à ce que ces morceaux ne soient pas seulement les siens, mais qu'il les partage avec ses trois comparses ça donne un résultat absolument superbe, notamment sur le morceau que je vous ai choisi qui s'appelle Talking Drum et qu'on va écouter tout de suite. Thank you. C'était Talking Drum de Julian Lage, extrait de cet album Sins From Above qui sort cette semaine même. Et donc voilà, on est sur cette lignée de musique. C'est vraiment très fin et on sent que il y a beaucoup de complicité entre ces quatre musiciens pour élever cette musique à un niveau vraiment tout à fait exceptionnel. On va changer complètement de style avec le guitariste suivant. C'est le petit génie Corey Wong. Corey Wong qui a remis un petit peu au goût du jour avec le groupe Snarky Puppy aussi, ce jazz un petit peu issu des années 80, très fusion, qui doit beaucoup aussi à des influences comme celle de Prince. Corey Wong a un jeu de guitare très très funky, avec un album là qui est enregistré au festival de Montreux il y a 2 ans et qui sort seulement maintenant en vinyle et en CD. Alors vous allez pouvoir vous en rendre compte tout de suite, c'est une musique à haute énergie. Comme en plus c'est enregistré live, ils ont tendance à booster un petit peu les tempos, donc on doit tourner autour de 120, 130, voire 140 BPM par moment. Faut avoir des bonnes jambes pour pouvoir danser là-dessus, mais vous pouvez le faire quand même. Corey Wong, le morceau s'appelle Lunchtime, c'est extrait de ce live at Montreux Jazz Festival qui sort tout juste. Thank you. C'était donc Cory Wong, le live à Montreux Jazz Festival qui sort ces jours-ci. Et donc voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop essoufflé rien qu'à l'écoute de ce morceau qui est particulièrement tonique. Et on va maintenant baisser un petit peu le tempo. Déjà avec la rubrique Abacadisque, avec les nouveautés qui sortent ces jours-ci, avec toujours pas mal de choses. Le mois de janvier est assez riche en général en jazz, parce que comme il y a moins de choses qui sortent dans les autres styles de musique, les maisons de disques axent un petit peu sur le jazz en se disant qu'ils auront plus de chances de découler un petit peu de la musique à ce moment-là qui soit différente de celle de variété. Donc un nouvel album de Baptiste Herbin en duo avec Minio Garay, ça s'appelle Los Arregladores. Un nouvel album de Antoine Boyer avec Yeov Kim aussi qui s'appelle You and I. Nouveau Craig Taborn. Un nouvel album des Smashing Machine aussi qui sort. Nouvel album de John Ellis, un nouvel album de Snarky Puppy. J'en parlais justement à l'instant avec notre ami Cory Wong, donc Snarky Puppy. L'album s'appelle Somni, donc là on est aussi dans cette musique très très puissante. Et puis nouveau Jean-Michel Lamazou aussi qui sort, et puis un nouvel album, enfin un premier album d'un groupe qui s'appelle Naboo. On viendra certainement en parler parce que c'était vraiment un très très bel album et un très bel espoir du jazz. Parmi les autres sorties, donc un nouvel album de Hugo Lippi. On a eu la chance de l'accueillir à Jazz en Touraine cette année. Il est venu présenter justement quelques-unes des compositions de ce nouvel album qui n'était pas encore sorti à ce moment-là. L'album s'appelle Olia Maria, du nom d'une composition de Carlos Jobim qu'il reprend dans cet album-là. Il y a aussi des reprises de différents morceaux de chansons françaises dedans, et notamment une très belle version de l'hymne à l'amour d'Edith Piaf, bien sûr, qu'on va entendre dans cette version dans laquelle brille particulièrement aussi Monsieur Stéphane Belmondo qui est à la trompette, et le reste du groupe. On y retrouve Gaël Racoton-Drabé, on en parlait tout à l'heure, qui est au piano, il apparaissait déjà sur l'album de Matisse Pascot. Laurent Verneret est à la contrebasse comme chez Matisse Pascot aussi, mais c'est Denis Benaroche qui est à la batterie, et Hugo Guespard qui vient partager des parties de guitare aussi sur certains morceaux. Voici donc cette version de l'hymne à l'amour, tel qu'est entendu dans cet album-là, et puis ensuite on en écoutera une autre version solo, toujours par Hugo Lippi, l'hymne à l'amour. Thank you. C'était l'hymne à l'amour d'Édith Piaf, revu et corrigé par Hugo Lippi. Une très belle version avec notamment Stéphane Belmondo à la trompette pour un accompagnement. Alors c'est marrant, mais je voulais aussi vous partager donc une deuxième version que Hugo Lippi avait présenté en solo il y a quelques mois sur la radio TSF Jazz, et ça devient tout à fait un autre morceau. C'est intéressant d'illustrer justement la manière dont un même musicien peut faire des arrangements totalement différents du même morceau dès lors qu'il est seul ou avec d'autres musiciens. Là, vous allez entendre une version vraiment live solo très très belle qui développe complètement son jeu de guitare, et vous allez pouvoir vous rendre compte de la finesse de jeu de ce Hugo Lippi qui s'est quand même vu décerner en 2020 le prix Django Reinhardt par l'Académie du Jazz. Donc le prix Django Reinhardt pour les guitaristes, c'est pas rien. Voilà, donc cette deuxième version à la suite de l'hymne à l'amour, mais complètement différente de la première. On va l'écouter tout de suite. C'était donc l'hymne à l'amour en version solo par Hugo Lippi, enregistré il y a quelques mois pour la radio TSF Jazz, avec un arrangement d'une beauté extraordinaire. Et puis je voulais continuer ce petit passage autour de Hugo Lippi, puisque son album s'appelle Olia Maria, donc je vous disais que c'était un standard de Antonio Carlos Jobim, pas forcément le plus connu, hein, puisque Girl from Ipanema ou les Aguas do Março ou Desafinado sont bien plus connus, mais c'est quand même un morceau qui a eu son petit succès dans les années 70. Et il y a d'autres musiciens qui l'avaient repris déjà, notamment un guitariste qui s'appelle Jean-Marie Ekei, qu'on a eu la chance chance d'ailleurs de recevoir là aussi en 2025 à Jazz en Touraine, où il accompagnait la chanteuse québécoise Thérèse Moncalme. Mais en 2018, Jean-Marie Ecaille avait sorti un album en duo avec Éric Lelanne à la trompette, et ils avaient choisi de faire un album entier en hommage à Antonio Carlos Jobim, donc qui s'appelait Lelanne et Ecaille joue Jobim, Play Jobim, et il y avait dessus cette version très très belle de Olia Maria, ce morceau que Jobim avait composé au début des années 70 et qui est repris ici tout en finesse avec la trompette en sourdine de Éric Lelanne et la très belle guitare acoustique de Jean-Marie Ecaille. Olia Maria. C'était donc Éric Lelanne en compagnie de Jean-Marie Ecaille, où il reprenait Antonio Carlos Jobim sur cet album de 2018, Play Jobim. Le morceau s'appelait bien sûr Olia Maria, et on va refermer là-dessus la petite page consacrée à ce nouvel album de Ugo Lippi, un guitariste que j'apprécie particulièrement. On va passer à l'agenda concert, un agenda concert toujours bien rempli, avec beaucoup de sorties possibles à droite à gauche, notamment le 7 février à la Ville aux Dames, avec un concert de Nina Attal pour ceux qui aiment le blues rock. Hein, on a écouté tout à l'heure un morceau de Jeff Healey en intro de cette émission. Ben voilà, Nina Attal, elle est un petit peu dans cet esprit-là. Il y aura le 12 février Yom Sekaldi au Petit Faucheux, musique plus apaisée là en l'occurrence. Et puis Milo Kahn, toujours au Petit Faucheux, hein, musique aussi entre jazz et musique des îles, qui sera jouée donc là-bas au Petit Faucheux. Et puis le 14 février, eh bien, c'est l'occasion pour moi de vous en parler. Il y aura Dick Annegarn au Bateau Ivre. Alors Dick Annegarn, c'est pas vraiment du jazz, mais quelque part, c'est quand même quelqu'un qui a une approche de la chanson et de la musique qui est pas loin de celle du jazz, puisqu'il y a pas mal d'improvisation, beaucoup d'écriture aussi, notamment au niveau des textes, toujours ciselés. Mais Dick Annegarn a fait, il y a en 2024, un petit détour par un album instrumental. C'était assez étonnant, et on va en écouter donc un morceau, histoire d'illustrer justement ce passage au Bateau Ivre le 14 février. Dick Annegarn, donc, qui doit beaucoup à la chanson française, mais aussi au folk américain. Il avait fait d'ailleurs un album entier de reprises de folk et de blues américain. Et donc, il a une technique de guitare qui est pas mal issue justement des techniques du folk américain. Et ça s'entend bien sur cet album, donc sorti en 2024, qui s'appelait Chord. Alors c'est un mot valise entre le mot corde et le mot chord. Donc chord en anglais, c'est les accords. Et corde, bien sûr, en français, ce sont les cordes de la guitare. Donc il avait créé en bon esprit un petit peu ubuesque qu'il est, cet esprit qu'il a pris dans ses origines hollandaises ou nollandaises, comme il dit lui-même. Voilà, ce mot valise Chord est venu illustrer cet album. Donc il y reprend la plupart de ses chansons célèbres, mais en version uniquement instrumentale, et c'est assez intéressant de voir comme il a réarrangé tout ça de manière à donner à sa guitare la voix de ses paroles et de ses mélodies. On va écouter le morceau qui s'appelle Adieu Verdure, donc un morceau qu'il avait sorti au milieu des années 90, donc quand il avait fait son grand retour chez Tôt ou Tard, le label. Et donc ce morceau, Adieu Verdure, en version instrumentale par Dick Annegarn. Adieu verdure, je vais faire ma cure d'intoxication. Salut la ville agonie de la civilisation. Au revoir, châtaigne, au revoir. Salut l'ombre qui souvent contre les éclats de cette chaleur désespoir, du soleil hauteur de contraste nuancé. Adieu verdure, je vais faire ma cure d'intoxication. Salut la ville agonie de la civilisation. Dis la ville, ouvre tes débits, remplis du meilleur vin tes tournants. Je paye un verre à tous mes bons amis. Fêtez la victoire de l'automobile. Adieu. faire ma cure d'intoxication. Seule la ville agonie de la civilisation. Mes bagages, j'en ai pas pour longtemps. Un an ou deux, le temps de repartir. Et si tu veux, je travaillerai tes champs. Adieu verdure. Adieu verdure. Adieu verdure. Adieu verdure, adieu verdure. Adieu verdure, adieu. C'était Dick Hanegaard en version instrumentale, donc c'est pas tous les jours qu'on l'entend comme ça. Adieu Verdure, extrait de cet album Chord, extrait donc sorti en 2024, album uniquement instrumental dans lequel il reprend quelques-uns de ses meilleurs morceaux en version juste dépouillée, guitare, c'est tout. Voilà, on en arrive à la fin de cette émission et comme d'habitude, on va finir avec une réédition, non sans avoir remercié tout auparavant Vincent pour avoir assuré la technique de manière infaillible encore une fois, et puis pour vous dire que vous pouvez réagir à l'émission si vous le souhaitez sur Facebook Osez Jazz à tous les étages, sur Insta Osez Jazz tout court, ou éventuellement sur le site radioactivefm.fr où vous pouvez aussi réécouter les émissions en podcast si vous en avez loupé, si vous voulez revenir sur certains détails, etc. Et donc comme on a dit qu'on faisait cette émission uniquement sur les guitares, et ben on va finir avec un guitariste et un contrebassiste. C'est à l'occasion de la réédition d'un album paru chez ECM en 1994 de Ralph Towner et Gary Peacock. Ces deux-là sont vraiment deux beaux patients de l'histoire du jazz. Ralph Towner, qui est un guitariste américain, qui a une particularité, c'est que il a toujours joué sans aucune amplification. Il ne joue que sur des guitares acoustiques et avec des musiciens qui eux-mêmes jouent en acoustique. Et la seule amplification qu'il accepte, c'est celle éventuellement d'un micro qui relaie sa guitare. Mais la guitare elle-même n'est pas branchée. Donc il joue de la guitare classique, guitare nylon, et des guitares 12 cordes. Guitare issue du folk américain, et il a réussi à développer comme ça au fil des années. Il a signé chez ECM dans les années 70, donc vous voyez qu'il a une belle carrière. On avait fait d'ailleurs un coup de cœur sur son album qu'il avait sorti à l'occasion de ses 50 ans de carrière avec le label ECM, et vraiment un jeu tout à fait particulier, acoustique et très beau, et souvent assez cool. Voilà, sur cet album donc qu'il a enregistré en duo avec Gary Peacock, il est accompagné donc du contrebassiste américain qui lui est malheureusement décédé en 2020. Gary Peacock lui avait commencé à apprendre le piano, puis la batterie, et puis il a fait partie comme faire son service militaire en Allemagne en 1954. Là, il a joué avec différents musiciens. C'est souvent dans les bases américaines qui montaient des groupes, et notamment là de jazz, pour animer un petit peu les soirées. Donc il y jouait toujours du piano, et puis un jour le bassiste a fait défaut, et donc du coup il est passé à la basse, et puis il est resté pour toujours à la basse. Donc il est resté jusqu'en 56. En 58, il revient aux États-Unis, il joue à avec tout un tas de gens, Barney Kessel, Butch Hank, Art Pepper, et puis ensuite avec Paul Blay, avec lesquels il aura beaucoup d'albums en commun. Il jouera aussi dans le trio de Billy Vance, qui était très très très exigeant sur les bassistes, donc c'est pas rien quand on joue avec Billy Vance et Paul Motion dans un trio aussi célèbre. Il a joué aussi avec Albert Taylor, il a joué avec Miles Davis, et puis il s'est fait connaître plus à partir des années 80 comme étant le bassiste attitré de Keith Jarrett, notamment sur ses albums en trio avec Jack DeJohnette à la batterie, Jack DeJohnette qui nous a quitté l'année dernière. Alors le morceau qu'on va écouter n'est pas extrait de cet album Oracle, mais d'un live enregistré en 1997 sur la télévision allemande, un live donc de ce duo, Ralph Toner et Gary Peacock. Le morceau s'appelle Wichitaito et c'est un morceau assez exceptionnel parce que c'est un des morceaux les plus enlevés, les plus funky de leur discographie, et vous allez pouvoir apprécier ce jeu entièrement acoustique, donc une guitare 12 cordes, une contrebasse, mais c'est extraordinairement groovy. C'est Ralph Toner et Gary Peacock. On va se quitter sur cette musique. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous dis à lundi prochain, et d'ici là, que le jazz soit avec vous.